Chers amis, nous avons parlé des sociétés secrètes, des sociétés discrètes, de rosicrucianisme, de franc-maçonnerie. Je vous propose peut-être maintenant d'aborder le 19e siècle et de voir quelles ont été les principales sociétés secrètes de ce siècle-là. Pourriez-vous, cher Eric, nous citer l'une des plus connues qui a vu l'émergence de la théosophie à la fin du 19e siècle? C'est l'Hermetic Brotherhood of Luxor. Voilà. Oui, c'est une société secrète, effectivement, qui reste d'ailleurs assez mystérieuse, qui aurait été fondée par Max Théon. C'était le pseudonyme d'un juif polonais qui s'appelait Bibstein et qui a été lié à un moment donné à Mira Alfassar, qui était qui est devenue après la compagne de Robindo. Mais c'est l'Hermetic Brotherhood of Luxor a eu beaucoup d'importance en Occident. Il avait un enseignement. Il n'y a pas eu beaucoup de monde qui en ont fait partie, mais ils ont eu un enseignement qui a été très marquant. Voilà. Alors il y avait. Il se fondait sur quoi alors finalement cet enseignement C'était un enseignement magique. C'était un enseignement magique. C'était un enseignement aussi vraisemblablement de magie sexuelle. Ils avaient une particularité, c'est qu'ils ne croyaient pas à la réincarnation. Et contrairement à beaucoup d'autres sociétés secrètes de cette époque, qui avaient le dogme de la maçonnerie, le dogme de la réincarnation. Ouais. La gloire du grand architecte de l'univers, c'est ce que vous vouliez dire en parlant du dogme de... L'enseignement de la réincarnation était essentiel dans beaucoup de sociétés secrètes du 19e siècle. Or, précisément, l'Hermetic Brotherhood of Luxor ne croyait pas à la réincarnation. Voilà, c'était une des particularités de cette société secrète. Elle était secrète jusqu'à quel point? Combien a-t-elle connu d'adeptes, finalement, ou d'initiés? Et comment s'est-elle perdurée dans le temps? Puisqu'après, il y a eu d'autres sociétés, sociétés théosophiques, elle n'a pas duré très très longtemps. Mais elle a marqué, il semblerait que René Guénon en ait fait partie dans sa jeunesse. Et notamment, elle a influencé beaucoup Madame Blavatsky à l'origine. Et c'est pour ça, notamment, que Madame Blavatsky, qui est la fondatrice de la société théosophique, et il semblerait qu'il y ait eu un lien très étroit entre la société théosophique à son origine et cette société qui est l'Hermetic Brotherhood of Luxor. Parce que dans l'Isis dévoilée, qui est la première grande œuvre de Madame Blavatsky, elle nie la réincarnation dans des termes qui sont exactement les mêmes de ceux de l'Hermetic Brotherhood of Luxor. Donc elle aurait pu suivre... les cours ou être membre de cet Hermetic Brotherhood of Luxor. Elle aurait pu, ou alors elle a subi l'influence de membres éminents de l'Hermetic Brotherhood of Luxor, notamment de Felt, qui était un égyptologue et un mathématicien, qui a participé à la fondation de la société théosophique. Alors cette société théosophique, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Parce qu'elle est connue, Madame Blavatsky. Alors la société théosophique n'était pas une société secrète. Hein. C'était une société qui a été fondée en 1875 par Madame Blavatsky, le colonel Olcott et un certain nombre d'autres personnes qui ont participé, qui sont des membres fondateurs. Madame Blavatsky était une personne qui est vraiment la personne qui est liée à la société théosophique. C'est elle qui l'a fondée. Était une personne assez étonnante, assez étrange, qui appartenait à la haute aristocratie russe, qui a reçu une éducation extrêmement, disons, une très très bonne éducation. Et une éducation religieuse aussi Elle n'a jamais été très religieuse. Hein. Elle a toujours été un petit peu hostile à la religion instituée. Par contre, elle avait des dons de médium ou de voyante, que beaucoup de personnes ont remarqué, notamment dans son enfance. Elle a été mariée au général Blavatsky, et trois semaines plus tard, elle fuyait à cheval vers Constantinople, poursuivie par les Cosaques, parce que le général Blavatsky était un général de Cosaques, poursuivie donc par les Cosaques de son mari, de son général de mari. Elle a réussi à s'échapper, et à partir de ce moment-là, elle a mené une vie d'aventure en quête de la connaissance ésotérique. Alors elle a vécu des expériences extraordinaires. Elle a vécu à Londres, où elle a enseigné le piano, elle a vécu en Égypte, elle a vécu aux États-Unis, où elle a participé à la conquête de l'Ouest. Elle a ensuite vécu en Inde, en Allemagne, en France. Enfin, elle a eu une vie d'aventure extraordinaire. Vis-à-vis d'elle, on peut dire que Madame Alexandra David-Neel était une pantouflarde. Hein. C'est incroyable. Elle se trouvait, par exemple, sur un bateau en partance pour la mer Rouge. Le bateau qui était chargé de poudre, elle ne le savait pas, explose. Elle est une des très rares survivantes. Enfin, c'est... Et elle a vécu... Une vie rocambolesque. Alors. Une vie rocambolesque. Et voilà. Et les buts, alors, de l'association théosophique. Alors, c'était justement cette recherche des sciences occultes. Hein, c'était ce qui l'a passionnée. C'était les phénomènes merveilleux qu'elle recherchait partout dans le monde. Les sciences occultes, c'est quand même un terme générique relativement large. Est-ce que vous pouvez nous, pour nos téléspectateurs, recentrer le fondement même de ces recherches ou de cette transmission qui sera donnée par la société théosophique? Alors, la société théosophique avait pour but l'étude, déjà, l'étude de ces phénomènes merveilleux, extraordinaires, maintenant qui font partie du domaine de la parapsychologie, hein, mais qui à l'époque, et elle était liée au spiritisme, mais elle était en même temps, rapidement, elle s'est séparée du spiritisme, elle était assez hostile au spiritisme, et la société théosophique enseignait que les phénomènes provoqués dans les séances spirites n'étaient pas du tout dus à les esprits des morts, mais étaient dus à des entités du monde invisible, ou alors aux participants. C'était des phénomènes plutôt d'ordre parapsychologique. Voilà, donc elle a eu une attitude assez rapidement, elle s'est dissociée en quelque sorte du mouvement spirite. Mais elle est née du mouvement spirite. En ce moment, le spirite est extrêmement important, il apparaît aux États-Unis au milieu du 19e siècle, repris en France par Allan Kardec, que tout le monde connaît de nom. Est-ce que vous pourriez nous dire comment le mouvement spirite peut s'imbriguer dans ce siècle où l'occultisme est mis en avant et recherché? Est-ce que, d'après vous, ce mouvement spirite a pu, même s'il existe encore aujourd'hui, être considéré comme une société secrète ou un mystère, ne serait-ce que par la transmission qui est donnée? Personnellement, je connais très mal ces mouvements, ces groupes. Mais en qualité d'historien, ce que j'observe, c'est que le 19e siècle est très clairement un grand siècle, à la fois pour le progrès social. D'abord, en considération de nos sociétés secrètes, grand siècle pour le spiritisme, l'occultisme. Il y a un regain d'intérêt pour l'occultisme. Dès le 18e, on sentait bien, mais c'est le 19e siècle qui est vraiment théosophie, avec toutes sortes de branches, rameaux ensuite. Il me semble me souvenir qu'il y a eu aussi l'anthroposophie, alors des rameaux de qualité très inégale. Ce qui est très frappant, c'est qu'en Europe, c'est le 19e siècle qui est le grand siècle de toutes ces sciences, de ces révélations. C'est aussi le siècle où l'Église n'a jamais été aussi malmenée. On sent bien que l'autorité religieuse qui domine, qui a dominé pendant des siècles, est en train de s'affaisser à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. C'est aussi l'essor, hein, au moment de la révolution industrielle, des mouvements ouvriers qui sont très vite anticléricaux. C'est l'époque de Lourdes, parce que l'Église a toujours des armes et des munitions. Hein, au moment où la foi vacille, hop, on va lui redonner un petit coup de... Donc le 19e siècle est vraiment très intéressant pour cela, et on sent bien que les sociétés que l'on appelle depuis le début de cette table ronde secrète, celles-ci en particulier, naissent sur un terreau fertile, qui implique un affaissement ou un amoindrissement de ce qui était l'autorité spirituelle. Et ça, c'est très très clair. L'autorité spirituelle de l'Église. De l'Église, en considération de la vieille Europe, oui, et bien sûr. En même temps, on sent que la laïcité progresse. 1905, ce n'est que l'aboutissement d'un long combat. Hein. Commencé chez nous, on peut dire, à la Révolution. La Révolution, il faut le dire. Oui. Mais le 19e siècle, c'est vraiment ce moment où il y a des places à prendre. On le sent bien. Il y a aussi une mode. Tout comme le baquet de Mesmer était très à la mode avec le magnétisme à la cour, on voit bien comment est-ce que Victor Hugo, entre autres, a fait beaucoup pour les tables tournantes, comme on dit. Donc il y a aussi d'éminents personnages célèbres qui prêtent le flanc, si je puis dire, à ces expériences. Et puis il y a le progrès scientifique qui, quand même aussi... à son mot à dire, et qui a mis à mal des dogmes, ou qui s'efforce, c'est son rôle. Et on sent que des brèches s'ouvrent un peu partout, et à chaque fois que le progrès fait des avancées considérables. On a toujours ce besoin, et on revient à ce que l'on disait au début, profane, sacré. Si la science prétend tout rendre presque profane en détruisant le sacré, il faut bien qu'on aille quand même, parce qu'on en a besoin, on va aller se réfugier. Donc c'est comme ça que j'interprète plus ce 19e siècle et son foisonnement d'églises, entre guillemets, qu'aujourd'hui on qualifierait très certainement de façon rapide de secte, ça c'est clair, avec des personnages hauts en couleur et singuliers, notamment comme Madame Blavatsky, effectivement, dont je la connais très très peu, mais il est clair qu'elle avait sur les autres un ascendant extraordinaire. Mais c'est peut-être ce 19e siècle, le siècle des femmes, puisqu'on voit apparaître en franc-maçonnerie des premières initiations de femmes avec Maria de Rheims. Louise Michel, elle-même, est reçue un an avant sa mort comme apprentie franc-maçon. Madame Blavatsky fonde sa propre société théosophique. Ouais. On peut dire que tout ce mouvement a permis aux femmes, avant l'heure, de se libérer et d'émerger, puisque l'on sait bien que le droit de vote n'était pas donné aux femmes, parce qu'on avait peur qu'elles votent du mauvais côté, parce qu'instruites par l'Église et à l'Église. C'est vrai, justement. Et paradoxalement, vous évoquiez Louise Michel, mais pour une femme, il était peut-être plus facile d'intégrer ce genre de groupe qu'un syndicat ouvrier. Ça, c'est très clair. C'est regrettable, mais c'est aussi le progrès de la société française pour Louise Michel et de la société occidentale. Effectivement, les femmes vont trouver là une place qu'elles n'avaient pas ailleurs. Et même dans les mystères les plus anciens, elles n'étaient jamais que vestales. Mais si, il y a eu des prêtresses. Mais c'est vrai, c'est une opportunité pour les femmes. Oui, surtout à l'époque. L'Antiquité, c'est peut-être un peu différent, mais ça, c'est vrai, oui. Et ce qui est très juste, c'est effectivement le rapport à cette espèce d'effritement de l'Église, parce que Madame Blavatsky, elle était très anticléricale. Très, très anticléricale. Elle a combattu avec Garibaldi, les armes à la main. Alors, Garibaldi, et, là, vous abordez les Carbonari. Oui, les Carbonari. Donc, elle était déjà liée à ça. Et puis, il y a une autre chose à propos des femmes, qui est un autre élément qui est assez intéressant, c'est que la deuxième personne importante dans la société théosophique, c'est Annie Besant. Or, avant de faire partie de la société théosophique, Annie Besant était une militante féministe. Mais une militante qui portait toujours un foulard rouge, enfin c'était une militante acharnée, hein. Et elle a été une des premières femmes à s'inscrire à l'université dès que ça a été possible. Donc il y a un lien étroit entre effectivement ce militantisme anticlérical, féministe et la société théosophique, ça c'est très clair, c'était vraiment assez évident. Donc les sociétés secrètes auraient permis, en tout cas à quelques femmes, à quelques grands noms d'émerger et de rester ainsi dans l'histoire. Y a-t-il d'autres noms qui ne seraient pas connus, enfin qui ne seraient pas secrets, mais qui de ne seraient de femmes, telles Madame Blavatsky, Maria de Rheims, Louise Michel. Il y a la Madame de Maria de Naglovska, par exemple, qui était elle beaucoup plus sulfureuse, mais qui avait aussi qui hantait les cafés de Montparnasse. Alors, sulfureuse dans quel sens hein? Dans le sens où elle enseignait une forme de magie sexuelle assez orgiaque, et elle a eu aussi son importance à l'époque, et notamment dans tout le milieu artistique qui fréquentait les cafés de Montparnasse comme elle. Je crois me souvenir que dans le mouvement Spirit, on trouve trois sœurs, non, aux origines, non, c'est pas. Oui, c'est effectivement aux États-Unis. Ça a commencé effectivement par des phénomènes qui se sont passés avec trois femmes. Exactement, oui. Mais c'était un petit peu malgré elles. Elles étaient plutôt passives qu'actives. Tandis que Madame Blavatsky, Annie Besant ou Marianne Naglovska, ou après évidemment Lotus de Paigny, là, ce sont des femmes qui vraiment ont eu un rôle actif, positif en quelque sorte. Une action. Alors, pourriez-vous nous dire peut-être quelques mots sur l'anthroposophie, puisqu'on a abordé ce terme tout à l'heure. C'est une dissidence. Je crois que justement, il me semble me souvenir que c'est la passation de pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, entre Blavatsky et comment sa disciple, que Steiner est allé. Alors Steiner, on le connaît bien pour la méthode, la pédagogie. Une chose, on évoquait le 19e siècle et on parlait de l'affaiblissement de l'autorité religieuse pour, pas justifier, mais expliquer. Il y a une chose aussi importante, c'est que tous ces mouvements, et vous évoquiez la figure vraiment très singulière de Blavatsky, c'est vrai que c'était une sacrée routarde. Elle a découvert, alors on ne sait pas bien si elle a parfois peut-être inventé certains de ses périples, mais il est clair qu'elle a vraiment bourlingué. Elle a été en contact avec beaucoup de sagesse, et notamment orientale. Il faut bien voir aussi que le 19e siècle, c'est aussi l'apogée d'une découverte de l'ensemble de la planète. Il a fallu quand même attendre la campagne d'Égypte pour qu'on découvre l'Égypte finalement. Et c'est au XIXe siècle qu'on voit ressurgir tout ce qui est resté sous le boisseau pendant plusieurs siècles. Et au XVIIIe siècle, les sagesses orientales sont vraiment méconnues de l'Occident. C'est au XIXe siècle qu'elles deviennent vraiment... Tout cela ce serait, d'après corrélé. Vous, le colonialisme... Je ne dis pas que c'est le colonialisme. Qui aurait, c'est la découverte. Non, c'est la découverte à travers la découverte, parce qu'on n'a pas colonisé la Chine. Qui ont commencé à traduire... Oui, c'est vrai, il y a eu une découverte de l'Inde. Découverte de l'Inde, et effectivement, c'est contemporain de cette découverte de l'Inde... C'est juste, mais qu'il faut dire aussi, et ce qui est essentiel dans la théosophie, c'est que Mme Blavatsky se disait en relation avec des mystérieux maîtres de sagesse qu'elle disait vivre au Tibet, enfin, etc. Elle serait médiumnique, donc vous l'avez soit médium, soit voyante. Oui, mais des maîtres qu'elle disait fréquenter de façon physique aussi, hein, pas simplement de façon dans l'invisible, mais aussi de façon physique. Et ça, c'est l'enseignement essentiel en fait de la théosophie, c'est que la théosophie, c'est l'essence en quelque sorte de la théosophie, c'est un enseignement qui serait transmis par ces mystérieux maîtres de sagesse et qui eux-mêmes seraient les dépositaires d'une sagesse immémoriale. Voilà, c'est un petit peu le fondement de la théosophie. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle crée de facto une société que l'on pourrait dire initiatique. Oui. Peut-être parce qu'elle n'est pas politique, donc. Et non. Elle se rattache à une tradition immémoriale pour justifier justement son action dans le monde présent. C'est-à-dire qu'elle a besoin de se rapprocher à quelque chose qui lui aurait été transmis, qui lui est encore transmis, et pas seulement par communication télépathique, oui. Médiumnique. Ce qui est caractéristique aussi, pardon, c'est qu'elle ne se rattache pas à une tradition, mais à plusieurs. Et c'est aussi le 19e siècle, et la théosophie et d'autres, c'est aussi une grande époque du syncrétisme. Non seulement on va découvrir autre chose, mais en plus, ces autres choses, on va les mêler. C'est-à-dire qu'on va, vraiment prendre de la sagesse de l'Inde comme de l'Extrême-Orient, mais conserver quand même une sorte de substrat biblique. Il va y avoir vraiment des tentatives de syncrétisme, parce que puisqu'on a vu que 1000 ans ou 1500 ans d'histoire chrétienne commençaient à battre de l'aile, les dogmes ne nous plaisaient pas, il y a des choses intéressantes ailleurs, mais on veut pas abandonner le vieux fond, donc on mélange. C'est un petit peu ce qu'on va retrouver longtemps après avec la vague et la vogue du New Age. Et notamment le bouddhisme qui est resté longtemps méconnu, et quand tout à chacun a voulu devenir bouddhiste ou participer à une soirée bouddhiste, bon, c'en est un peu affligeant parfois de voir comment c'est considéré, mais on voit bien que même si on va chercher du bouddhisme, on n'abandonne pas, on reste chrétien. On reste chrétien. Vous voyez et au XIXe siècle, on assiste à ces premières tentatives de... On prend ce qui nous intéresse ou ce qu'on considère être de meilleure qualité un petit peu dans chacune de ces traditions, ce qui ne se faisait pas avant. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Simplement, là, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que le New Age et le bouddhisme, c'est quand même deux choses bien distinctes. Hein. L'esprit New Age, c'est vraiment un esprit très particulier qui, effectivement, est issu de la théosophie et des avatars de la théosophie, oui, c'est-à-dire Ayn Bélé, notamment. Les avatars, puis, plus. Les avatars de la théosophie. Et d'un autre côté, le bouddhisme, c'est tout à fait autre chose. La grande vague du bouddhisme est venue, justement, de cette émigration des maîtres tibétains chassés du Tibet et qui sont arrivés en Occident. Hein. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait différent. Et maintenant, lier les deux, non. Effectivement, on peut lier le New Age à la théosophie, ça c'est clair, mais le bouddhisme, c'est une origine différente. Ça participe peut-être d'un esprit commun, il y a peut-être des gens qui participent des deux, de New Age et de la bouddhisme, mais ce n'est pas l'esprit est très très différent. Disons qu'on se rattache, quand on s'intéresse au bouddhisme, on se rattache à une tradition qui est très très lointaine. Enfin, alors que le New Age, ça se prétend justement une espèce de synthèse de science, exactement comme la théosophie, qui aussi synthétiser à la fois les religions anciennes, la science, et puis les dernières recherches en parapsychologie. Enfin voilà, c'était une espèce de synthèse. Alors, vous parliez de syncrétisme à la fin du 19e siècle. Syncrétisme, c'est plutôt du syncrétisme que de la synthèse d'ailleurs, hein, ça c'est clair. L'autorité papale n'a-t-elle pas, avec un pape comme Léon XIII, avec son encyclique anti-maçonnique, et puis sur la doctrine sociale de l'Église plus tard, voulu insuffler une nouvelle âme à cette Église. Plusieurs dogmes sont reconnus, l'Immaculée Conception, après l'infaillibilité papale. Pour les Français, au début du XXe siècle, me semble-t-il, la reconnaissance de Jeanne d'Arc en qualité de sainte. Enfin, plein de choses se sont passées. Est-ce que ce n'a pas été des réactions vis-à-vis cette déliquescence? Est-ce que l'Église n'a pas voulu reprendre un peu la main? À moins d'être une foi chevillée au corps et tout croire de la vie de Bernadette Soubirous, mais il est clair qu'il n'y a jamais eu autant de saints en France qu'après 1905. Hein. Et Jeanne d'Arc qui a attendu des siècles opportunément en 1920, alors que le cartel des gauches n'a pas encore rompu ses relations diplomatiques avec le Vatican, mais à chaque fois, oui, l'Église réagit comme ça. L'ostension du Saint-Suaire participait aussi. L'Église, elle fait ce qu'elle peut. Elle a vécu sans conteste. Elle a violemment éradiqué tout ce qui pouvait la contredire. Mais, et notamment les sociétés secrètes. Les sociétés secrètes. Et je disais qu'elle avait été confrontée à très peu. De toute façon, ce sont des sectes. Secte est un terme de théologie à l'origine. C'est vraiment ce qui se sépare de l'Église. Et puisqu'il n'y a qu'une révélation, ceux qui se séparent sont dans l'erreur. Donc c'est l'hérésie, c'est le drame des cathares et de beaucoup d'autres. L'Église a pu juguler jusqu'au schisme et la réforme. Mais ensuite, elle a fait avec. Mais c'est vrai qu'elle a toujours lutté. Et les encycliques, à chaque fois, sont de perpétuelles tentatives, mais vaines. D'aller contre le progrès, d'aller contre le mouvement ouvrier, d'aller contre... Alors bien sûr, jamais d'aller contre les francs-maçons, jamais nommément contre les sociétés secrètes. Mais à chaque fois, elle n'y parvient pas. Elle ne peut pas aller contre le mouvement historique, le mouvement de l'histoire. Moi j'aurais des choses à dire un petit peu... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision des choses. Parce que là, par exemple, au XVIIIe siècle, on pouvait très bien être franc-maçon et être un très bon catholique, comme Villermoz. Donc il n'y avait pas du tout d'opposition entre la franc-maçonnerie et l'Église. Et l'opposition entre la franc-maçonnerie et l'Église est venue après. Mais au XVIIIe siècle, il n'y avait pas du tout exclusion entre les deux. La condamnation est venue après. Et puis, par exemple, il faut savoir aussi une chose qui est très importante. Les buts de 1738 n'ont jamais été votés par le Parlement de ça, Paris. Et il faut savoir aussi autre chose, c'est qu'en fait, l'Église est un univers extrêmement vaste. L'Église, oui, est très très vaste. Et par exemple, pour Cornelius Agrippa, le fameux mage qui a écrit La philosophie occulte ou la magie, qui était un magicien reconnu en quelque sorte, les franciscains, les dominicains voulaient vraiment sa peau, mais il était protégé par la hiérarchie, par certaines personnes de la hiérarchie ecclésiastique, et il n'a jamais pu être, la seule fois, il a été juste emprisonné parce qu'il avait écrit un libelle contre la reine-mère. Mais sinon, on n'a jamais pu le toucher. Donc ce qui veut dire, ça veut dire que l'Église est un univers extrêmement vaste et il y a des courants très très différents à l'intérieur même de l'Église. Et il y en avait qui étaient certainement liés à des sociétés secrètes, d'autres qui étaient hostiles. Enfin, il y avait les spirituels franciscains ont été persécutés, mais avant quand même, ils étaient considérés comme faisant partie de l'Église, ça dépendait des papes, ça dépendait... Voilà, la situation, en fait, est extrêmement complexe. Il n'y a pas eu, comme ça, une espèce de volonté de l'Église de toujours contrer ce qui était un peu secret ou ce qui était la connaissance. Pas du tout. Il n'y a pas de violence et de brutalité. Même, on parlait des cathares. Même les cathares, dans le midi de la France, ont vécu longtemps... avant qu'on ne s'avise que les différentes méthodes très calmes... Exactement, les cathares vivaient à côté des catholiques sans problème. Non, l'Église n'est pas cette... quelque chose qui est peu connu aussi, parce que j'ai un ami qui a vécu pendant longtemps, il a racheté toutes les bibliothèques, parce que c'était dans les années 60, il a racheté toutes les bibliothèques qui étaient vendues par les couvents, par les monastères. Et bien dedans, il y avait à chaque fois beaucoup de livres d'alchimie. Il a récupéré énormément de livres de l'alchimie qui provenaient en fait de couvents et de monastères. Donc ce qui prouve que beaucoup de moines, dans les temps anciens, s'intéressaient et étudiaient l'alchimie et sans doute pratiquaient l'alchimie. Certains traités étaient même édités par des moines. Hein. Tout à fait, tout à fait. Basile Valentin. Voilà, Basile Valentin, exactement. Albert. Non, mais l'Église n'était pas ce monstre obtus qui... Oui. Au contraire, elle a souvent été très, très libérale. Il faut bien voir que le dogme, tant qu'il n'est pas mis à bas, ni même en danger, on peut laisser libre cours. Dans une perspective historique plus vaste, le XIXe siècle, quand je dis c'est l'affaissement du sentiment religieux, c'est qu'on sent bien que, même si le dogme est encore là, il est loisible à tout à chacun de dire « Non, non, je ne suis pas chrétien. Vous ne le faisiez pas au XVIIIe siècle. » Non, ça c'est sûr. Voilà. C'est là que... Et du coup, l'Église est obligée. Et en plus, vous évoquiez donc le syllabus et toutes les tentatives de l'Église. C'est là que je parle de réaction. Les prises de position de l'Église sont à un moment où la modernité semble vraiment la menacer. L'Église est très brutale quand même dans ses paroles. Il n'est plus question de croisade. On va pas partir en croisade au début du XXe siècle ou en 1850. Mais on sent là que Rome a un peu peur. Elle est sur la défensive, oui. Les encycliques n'y font rien. Les bulles papales ne peuvent empêcher le cours de l'histoire. La preuve, c'est qu'il y a multiplicité de fondations, de sociétés secrètes. Au point que l'on dit que c'est même... Alors, c'est une thèse qui a cours quand on considère l'Opus Dei, au point que l'on dit qu'après Vatican II, ce drôle de concile dont décidément personne ne voulait, à Rome en tout cas, il n'y avait bien que Jean XXIII qui a créé la surprise. Connaissez l'histoire. Vatican I, c'est la guerre de 70 qui l'a interrompu. Les travaux ne sont pas achevés, mais c'est la guerre. Chacun rentre chez soi. Sauf qu'on a eu le temps quand même de voter ou de décider une chose formidable, c'est l'infaillibilité pontificale. Ouais. Alors dès lors que le pape est infaillible... plus besoin de concile. Et Jean XXIII crée vraiment la surprise. Mais finalement, ce concile, personne n'en voulait. Et c'était une ultime tentative, effectivement, d'amadouer le monde moderne, cette fois-ci. Hein. Gaudium et Spes, la fameuse encyclique, caressait quand même les méchants paroissiens dans le sens du poil. Hein. On essayait de les faire revenir, donc toutes sortes de dispositions sur la messe, etc. Mais finalement, rien n'a changé dans le dogme. Il est resté tel quel. Le clergé lui-même avait exigé une chose incroyable, c'était pratiquement la démocratie, en demandant la collégialité des évêques. Ça, on n'en a plus parlé, parce que finalement, la curie romaine avait mis son veto, et c'est eux qui avaient décidé des questions qui seraient... Donc vous voyez, le Vatican n'a jamais pu enrayer le mouvement. Et il se dit même que des groupes comme l'Opus Dei seraient des créations... C'est une thèse qui a cours, de création du Vatican pour justement, puisque dans le monde moderne, on n'a plus la faveur et on a du mal à remplir les églises, on peut peut-être susciter par des mouvements un peu plus souterrains. Alors, bon, c'est très, très discutable comme thèse. Voilà, mais les faire revenir dans le giron d'une église inchangée, parce que ça reste une société dite. Voilà, et du coup, renaît à ce moment le fantasme de la société secrète. Non plus la société contre le pouvoir ecclésial, mais une société suscitée par l'Église elle-même. C'est une thèse, elle est séduisante, mais il ne doit pas y avoir dans les archives secrètes du Vatican une ligne qui dit « je veux la création de ceci ». Non, non, non, c'est une toute autre aventure, on en parlera peut-être un jour, mais... L'Église a effectivement toujours tenté de réagir sans jamais pouvoir enrayer la marche du siècle. Ça. Justement, revenons à la fin du XIXe siècle et la création de la Golden Dawn, puisque c'est une société secrète importante, dont certains de leurs membres, fort connus, ont dans le temps marqué les esprits. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, Eric ? La Golden Dawn, c'est une société secrète anglaise. Qui a été fondée par des maîtres maçons et qui était réservée à l'origine à des maîtres maçons, des personnes qui faisaient partie d'une autre société secrète qui s'appelait la SRIA, Mais c'est surtout ce qui est important. Pour les téléspectateurs, la société rosicrucienne en Angleterre, finalement. Voilà, c'est ça. Oui. Mais ce qui est surtout important de dire, c'est que la société, la Golden Dawn, qui était une véritable société secrète avec des rituels extrêmement impressionnants, il y a eu très peu de membres qui ont fait partie de cette société secrète-là. Mais par contre, elle a eu un impact énorme dans le milieu artistique. Parce que il y a eu notamment le grand poète Yeats était un des dirigeants de la Golden Dawn. Il y a eu la sœur de Bergson, du philosophe français Bergson, faisait partie de la société secrète. C'était la femme de Mazur, donc le grand maître de la société de la Golden Dawn. Il y a eu aussi beaucoup d'écrivains de fantastique comme Arthur Machin qui faisait partie de la Golden Dawn. Bram Stoker faisait partie de la Golden Dawn. Ajano Blackwood faisait partie. Et puis des actrices de théâtre aussi faisaient partie de. Donc il a eu un impact extrêmement important sur la société anglaise, mais de façon souterraine, intellectuelle et artistique très importante. Voilà. Donc c'est ça qui caractérise surtout la Golden Dawn. Alors qu'il y a eu, quand on voit le nombre de membres, le nombre de personnes qui ont fait partie de la Golden Dawn, il est extrêmement restreint. Et ça n'a pas duré très longtemps. Et quel était cet enseignement alors finalement ? C'était un enseignement initiatique, mais je crois que ce qui plaisait beaucoup dans la Golden Dawn, c'était surtout les initiations. C'est des initiations extrêmement théâtrales. C'était vraiment avec toute une théâtralité de l'ésotérisme. Il y avait un enseignement à propos des notamment. Alors évidemment, il y avait Aleister Crowley, qui a fait aussi partie de la Golden Dawn, disait, il vous transmettait sous le sceau du secret l'alphabet hébraïque, parce qu'ils avaient justement ce sens du théâtre. Et par exemple, le postulant était enfermé dans un cercueil, on ouvrait le cercueil, il y avait des tableaux qui lui étaient présentés, c'était une espèce de franc-maçonnerie, mais beaucoup plus théâtrale que la franc-maçonnerie. Et je pense que c'est cet aspect théâtral qui a plu beaucoup à tous ces personnages du monde artistique. Et l'enseignement était tout de même intéressant. C'est-à-dire, il y avait un enseignement qui venait effectivement de l'ésotérisme juif, avec la Kabbale. Donc c'était une forme de Kabbale chrétienne particulière. Et il y avait un enseignement sur le tarot. Et il y avait un enseignement aussi sur, alors là proprement anglais, sur notamment l'alphabet énochien, toute cette tradition propre à l'Angleterre qui était assez important dans la Golden Dawn. Une tradition donc magique anglaise à l'intérieur de la Golden Dawn. Donc il y avait plusieurs courants qui se sont mêlés et qui ont été synthétisés par un personnage comme Mazur, qui avait énormément de connaissances, hein, qui était un personnage étrange et certainement très sulfureux, mais qui avait beaucoup de connaissances dans tous les domaines de l'ésotérisme. Aleister Crowley lui-même a créé. Alors, Aleister Crowley faisait partie de la Golden Dawn, il s'est disputé avec Mazur et il a formé après sa propre société secrète. Aleister Crowley, qui est le fameux mage noir, que l'on dit mage noir anglais. Qui se faisait appeler le mage. Il y avait des enseignements. Cet Aleister Crowley a-t-il influencé certaines théories du début du XXe siècle, peut-être 1920, 1930 Non, pas Aleister Crowley. Il a fasciné par son comportement. Voilà. C'était un personnage vraiment très très singulier, mais le mage a quand même donnait beaucoup d'importance à la magie sexuelle et avait fondé une abbaye, je crois, en Italie. Il refait l'abbaye de Thélème de Rabelais. Mais je ne sais pas si c'est là où l'une des participantes était morte. Il semble que cette magie asexualiste a pris beaucoup d'importance à la fin du. Tout à fait. Là aussi, c'était la réaction, effectivement, à l'Église. C'était vraiment la réaction à l'Église. C'est-à-dire que souvent, on associait l'ésotérisme et la magie sexuelle. Mais on n'est jamais loin de la magie sexuelle au Ballet Rose. Il y avait beaucoup d'exagération quand même. Et Crowley, je crois, n'était pas dupe de ça. Il savait très bien qu'il fascinait. Il jouait un personnage tout en même temps, il était pénétré de cet ésotérisme. Il était vraiment, très, on dirait, bizarre. Mais il n'a pas laissé, vraiment, il n'a pas de disciple de Crowley, mais... Mais c'est vraiment... il y a actuellement une tentative de restaurer justement la Golden Dawn. Et puis j'ai connu, à Toulouse, un disciple de Crowley, qui se dit toujours disciple Crowley. Est-ce que l'on peut noter ? Oui, il y en a un petit peu partout d'ailleurs, mais est-ce qu'ils sont vraiment disciples de Crowley ? C'est que ces sociétés étaient mixtes, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ce qui est quand même novateur, cette fin du 19e siècle, vrai. Où là, la mixité est admise, alors qu'elle fait encore question en franc-maçonnerie, même aujourd'hui. Oui, c'est alors, vrai. On a parlé d'Angleterre, des États-Unis, est-ce que... En Allemagne, s'est développé entre deux guerres un courant ésotérique, occulte, fort, dont certains se seraient malheureusement inspirés. C'est la Thulé Gesellschaft. Voilà, c'est autre chose. C'est à elle que je pense en particulier. Mais la Thulé, ça c'est très particulier. C'est une société secrète qui est issue du Germanen Orden, de l'ordre des Germains. Et en fait, c'est une pseudo-maçonnerie, pour la résumer en un mot, c'est une pseudo-maçonnerie antisémite. C'est-à-dire que les fondateurs de la société Thulé étaient persuadés que les Juifs s'étaient constitués en franc-maçonnerie et qu'ils manigançaient pour prendre le pouvoir à travers une franc-maçonnerie juive. Et pour contrer l'influence de cette franc-maçonnerie juive, auquel ils croyaient fermement, ils ont décidé de constituer une franc-maçonnerie antisémite. C'est-à-dire où toutes les personnes, c'est-à-dire qu'ils sélectionnaient les personnes pour faire partie du Germanen Orden et après de la Thulé Gesellschaft, il fallait faire preuve de ces ascendants purement ariens, c'est-à-dire... Il fallait montrer ses quartiers de noblesse en quelque sorte. Voilà, ariens. Sur combien de générations alors ? Sur 3 générations, et puis il fallait de préférence avoir les cheveux blonds et les yeux bleus, là c'était le nec plus ultra. Donc c'était vraiment une sélection raciale, en quelque sorte, qui était opérée. Et ils avaient remplacé les rituels maçonniques par des rituels issus de la mythologie germanique. C'est-à-dire qu'il y avait des bardes qui chantaient des chants, ils faisaient des allusions constantes à la mythologie germanique ou scandinave. Donc c'était aussi toute la passion d'Hitler pour Wagner. C'est... Voilà, exactement. Si vous voulez construire un Reich millénaire, il faut bien qu'il y ait un socle. Oui. Et il ne semblait pas très, très valide d'avoir un Reich allemand et arien avec des traditions orientales. Donc effectivement, il y a eu tout ce regain pour une culture tout à fait intéressante, mais mal connue. Les runes germaniques, déviés peut-être de leur sens original. Ah, mais déviés, oui, mais tout, bien sûr. Déviés, c'est-à-dire qu'ils voulaient restaurer, c'est-à-dire que c'était aussi le Germanen Orden, la Thulé Gesellschaft, s'opposer de façon violente à l'Église catholique. C'est-à-dire qu'ils se réclamaient justement des anciens cultes païens. Ils voulaient revenir en quelque sorte au passé de l'Allemagne et aux cultes païens originaux, quoi. Au sens premier du terme. Voilà, au sens païen, oui, c'est ça. C'était leur but. Mm-hmm. C'était vraiment leur but. Et ils étudiaient notamment l'ancienne loi germanique. Ils avaient des activités culturelles un peu partout dans tous les domaines pour essayer de noyauter la société allemande et de restaurer justement l'ancien ordre germanique. Étaient-ils nombreux alors finalement Leur influence a été assez importante et Adolf Hitler est devenu visiteur, Gast, de la Thulé Gesellschaft. Il y avait Rudolf Hess qui en faisait partie. Il y a eu Dietrich Eckart qui était le mentor de Hitler, qui était aussi visiteur de la Thulé Gesellschaft. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir deux statuts, ou bien être initié. Voilà, on pouvait être visiteur Gast, ou alors être initié. Et à ce moment-là, on faisait réellement partie de la Thulé Gesellschaft. Et on recevait un petit bijou, on avait des initiations, enfin, etc. Mais sinon, on pouvait être aussi simplement membre, en quelque sorte, extérieur, plus extérieur. Mmh. C'est des visiteurs. Alors, vous disiez tout à l'heure, Eric, concernant cette société secrète, qu'elle avait pour but de combattre une sorte de franc-maçonnerie juive, ou des juifs qui se seraient organisés en une sorte de franc-maçonnerie. Était-elle au courant de la Bainbridge, la franc-maçonnerie juive, qui a été créée, je crois, dans le milieu du 19e siècle. Oui, bien sûr, ils étaient au courant, ils étaient persuadés qu'ils menaient le monde. Enfin, ils avaient des fantasmes assez paranoïaques vis-à-vis précisément de cette Bainbridge, et puis aussi de la franc-maçonnerie classique, qui est quand même assez imprégnée par le christianisme, par le judéo-christianisme. Et pour eux, le judéo-christianisme, c'était l'Orient, c'était l'horreur. Donc il fallait absolument couper absolument avec toute cette mentalité judéo-chrétienne. Et Hitler et les premiers nazis participaient pleinement de cette vision-là du monde. Ça, c'est... Alors, le recrutement, était-ce le profane lambda, l'allemand de base, ou bien était-il pris dans des sociétés militaires, la SS par exemple? Non, pas du tout. La SS, c'était bien avant la SS, puisque ça, c'était en 1918-19. Donc c'était bien antérieur et avant la guerre de 14. Donc c'était bien antérieur à la création de la SS. Non, il passait même des annonces dans les journaux pour recruter, mais simplement, il fallait faire preuve que l'on était bien un bon arien. Ouais, qu'on était un bon arien, et depuis des générations. Et qu'est-elle devenue, alors, cette société pendant la guerre et après? Est-ce qu'elle a pu... Non, pas du tout. Elle a disparu très très vite, parce que les nazis, une fois qu'ils ont eu le pouvoir, justement, le grand maître de la société de la Thule-Gesellschaft, qui était Rudolf von Sebottendorf, il espérait justement, il disait qu'il reviendrait, parce qu'il était parti en Turquie, il disait qu'il reviendrait en Allemagne lorsque la croix gammée, parce qu'ils avaient pour symbole la swastika, donc la croix gammée, hein. C'est d'ailleurs eux qui ont créé, à l'intérieur de la Thule-Gesellschaft que s'est créé le premier drapeau nazi, avec la swastika sur un fond blanc, noir sur un fond blanc, et dans un rond blanc et rouge. Enfin, là, c'était... Voilà. Donc, c'était des membres, hein, de la Thule-Gesellschaft qui ont participé, qui ont créé le premier drapeau nazi, et donc la swastika. Et donc, il avait dit qu'il reviendrait en Allemagne quand la swastika flotterait sur l'Allemagne. Il est revenu, mais simplement, il s'est rapidement aperçu qu'il était tout à fait hors course, et il était très très mal vu par le parti nazi. Parce que le parti nazi, Hitler, à un moment donné, il a coupé toutes l'échafaudage, en quelque sorte, qui lui avait servi à prendre le pouvoir. Et il a rejeté la Thule-Gesellschaft et tous les mouvements, néo-païens, hein, issus de Guido von Liszt, de Lanz von Liebenfeld, etc. Alors, quelles sont les archives qui nous restent de cette macabre? On a des archives, on a même la liste de toutes les personnes qui en ont fait partie. Et c'était ramené en France par René Allot, d'ailleurs, à l'époque. Et il raconte dans quel texte, qu'il avait été attaqué dans le train qui menait d'Allemagne en France. On avait essayé, justement, des gens avaient essayé de récupérer ces archives, parce que dedans, il y avait le nom de toutes les personnes, et certainement des personnes qui étaient à l'époque vivantes et qui vivaient en Allemagne et qui ne voulaient pas que l'on sache qu'ils avaient fait partie de cette société secrète-là, quoi. Donc il y a des archives, oui, il y a des archives, il y a mais simplement elle a disparu parce que elle n'était plus en odeur de sainteté à l'époque nazie. Donc elle a disparu en fait très vite. Après la prise du pouvoir par Hitler, elle a disparu assez vite. Sinon, comme société secrète aux États-Unis, nous avons le Skull and Bones. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire quelques mots de cette société qui sévit dans les hautes universités américaines et qui aurait compté parmi elles plusieurs présidents des États-Unis? Oui, on parle beaucoup d'elle. Moi, je la connais vraiment très, très peu. On a essayé de l'inclure dans le Larousse des sociétés secrètes et on s'est vraiment longuement interrogé pour s'apercevoir qu'on en savait suffisamment peu pour oser en parler. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'elle est vraiment secrète ou est-ce qu'elle existe réellement? Parce que on hésite vraiment entre la star des sociétés secrètes, parce que d'abord pour la qualité de ses membres supposés, hein, donc effectivement les plus hauts patrons, les plus hauts dirigeants et nombre de présidents des États-Unis, tous issus de certaines écoles, certaines universités américaines. Donc on hésite entre la considérer comme vraiment une star des sociétés secrètes, parce qu'on n'arrive pas à avoir un iota d'informations. Puis en même temps, se dire, est-ce qu'il ne s'agit pas, après tout, là aussi, d'une blague de potache? Et Dieu sait si les grandes écoles ont de tout temps monté des sociétés, aussi bien sociétés d'anciens pour servir de réseau, que sociétés avec ses rites de bizutage. Donc, Je confesse mon ignorance, mais je préfère la prudence. Franchement, je ne sais pas si vous en savez davantage. Non, moi je connais rien du tout sur cette société. J'en ai vaguement entendu parler comme ça, oui. Mais je dois dire que ça ne m'a jamais intéressé. Je ne connais rien là-dessus, non, vraiment. Et puis, il faut dire qu'il y a aussi une telle fascination, encore une fois, pour ces sociétés secrètes qui chercheraient à diriger le monde. Et Dieu sait si c'est depuis les États-Unis qu'on est censé le diriger. Moi, j'y crois pas. Je crois qu'il y a, une volonté un peu forte du grand public de vouloir absolument qu'elle existe. Le jour où vous m'amenez toutes les pièces du dossier, j'en saurai davantage. Mais non, franchement, nous, on l'a écartée. C'est vrai qu'elle nous a intéressés parce que on s'est dit, celle-là a l'air vraiment secrète. C'est tout le paradoxe de notre discussion, d'ailleurs. C'est que ça fait bientôt 2 heures qu'on évoque des sociétés secrètes. Avec apparemment beaucoup d'érudition et de savoir, mais si elles étaient si secrètes que ça, est-ce qu'on pourrait tout dire? Est-ce qu'il n'existe pas énormément de sociétés secrètes dont on ne peut rien dire, parce que ni vous ni moi n'en savons rien? Voilà, les vraies sociétés secrètes sont des sociétés dont on n'a jamais entendu parler. Notre débat s'acheminant tranquillement vers la fin, pourriez-vous nous dire comment vous avez ressenti le fait que la nouvelle littérature se fonde sur les sociétés secrètes pour faire des best-sellers? Est-ce que c'est une attente du public? Est-ce que c'est une commande des éditeurs pour faire du business? Est-ce que le fait de tourner autour de ces sociétés secrètes, c'est un phénomène nouveau et qui va perdurer dans le temps? Quel serait tout simplement votre point de vue sur cette question? Je commence par vous, Renaud, d'abord. Alors, c'est vrai que bon, le succès de Dan Brown, je m'interroge vraiment. Alors, c'est pas la qualité littéraire du livre qui est en cause. C'est pas la société secrète, je crois, qui fascine. Elle a de tout temps fasciné. Je crois plus, c'est le but. On est plus là dans la fascination pour la théorie du complot que vraiment dans l'existence de la société secrète. Il y a eu chez Dan Brown une grande qualité, c'est qu'il a su mêler toutes sortes de petites choses. Le tout fait une histoire vraiment invraisemblable, mais beaucoup de petites choses qui semblent être reconnues. Alors le lecteur se laisse guider complaisamment, ingénument, ça lui fait plaisir, ça fait du bien d'avoir une bonne fiction, c'est mieux que les tracas du quotidien. Il a creusé le filon, est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. On pourrait parler pour les plus jeunes des Harry Potter, où là, on a aussi un retour, mais est-ce que c'est vraiment un retour? Je crois que ça a toujours été. Dans la littérature, vous avez eu l'avènement du fantastique médiéval avec un grand, grand spécialiste quand même. Tolkien n'est pas, c'est pas un vendeur de best-sellers. Tolkien est quand même un professeur de langue romane, c'est un philologue. Est-ce qu'il y a une fascination pour les sociétés secrètes, pour les mystères, pour le fantastique? Je crois qu'il y en a toujours eu. Ce qui est plus surprenant, mais là on est plus dans l'ordre de la discussion sur l'éditorial et le marketing, c'est que aujourd'hui, un seul livre est lu par tous. C'est peut-être ça la distinction. Parce que il y a Harry Potter, c'est dans toutes les langues. Voilà. Partout dans le monde. Mais là, on est dans la grosse machinerie de l'éditorial, bien davantage que dans un regain soudain d'intérêt pour ce genre de littérature. Parce que par exemple, les enfants, quand ils lisent Harry Potter, bon, je trouve ça merveilleux. C'est vrai que c'est récent, mais on a ressorti aussi en France, en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez Narnia. Mais Narnia est très ancien. Mais c'est du domaine anglais, mais la France ne connaissait pas. Donc c'est quand même un livre qui date depuis plusieurs décennies. Je ne sais pas si c'est un regain vraiment soudain. Je ne sais pas. Parce qu'en plus, Dan Brown... Donc c'était latent chez les lecteurs, ils s'attendaient. Oui, c'est toujours là. En littérature, c'est le rôle de la fiction. Je crois qu'on a toujours eu besoin de s'évader par ce moyen. Et la magie. Et je crois que la magie est consubstantielle. Alors, besoin de la magie à l'homme, d'où ses initiations depuis toujours. Mais je ne parlerai pas de passion, de regain pour les sociétés secrètes. Bien davantage, et ça c'est récurrent aussi, passion pour le complot. on ne nous dit rien, on nous cache tout, ça, tous les 30 ans, ah, ça oui, revient. Oui. Hein. Donc depuis le 11 septembre, c'est vrai que là, il y a encore, alors il y a eu le complot des jésuites, le complot judéo-maçonnique. Hein, là, on serait dans le complot de l'Opus Dei, selon Dan Brown, à qui le tour. Justement, quel est votre point de vue, Eric, sur peut-être aussi les ouvrages qui entourent ces best-sellers, comme le Da Vinci Code décrypté, les monuments de Washington décryptés, tout ce qui va autour d'un best-seller. C'est quand même un phénomène, un point de vue littéraire important. Oh, oui, je pense qu'effectivement, que ça a toujours eu lieu. Il y a toujours une fascination à la fois pour les sociétés secrètes, et puis une fascination aussi pour la théorie du complot. Actuellement, c'est vrai que c'est plus important qu'à certaines époques, mais il y a toujours, parce qu'il y a par exemple un livre comme Les Sept-Têtes du Dragon Vert, qui est aussi une autre version de la théorie du complot et qui date d'avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, et qui est un roman qui décrit tous les événements qui se sont passés à l'époque comme étant le produit d'une société très très secrète, les 72 qui mènent le monde. Et il décrit en quelque sorte tous les... Ces 72, c'est quand même pas un nombre pris au hasard, finalement. Pas du tout. Il y a 60, effectivement, les 72 anges de la Kabbale, etc. Enfin, voilà, c'est un nombre, effectivement. Et ce livre-là, qui était écrit par un pseudonyme, sous un pseudonyme, est soi-disant un livre maudit. C'est un livre, on a dit, sa fiche avait été arrachée à la Bibliothèque nationale, enfin, etc. Il y a toute une mythologie autour des sept têtes du dragon vert. Et on retrouve tout à fait la théorie du complot, version avant la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense qu'il y a toujours eu à la fois une fascination pour la théorie du complot, une fascination pour les sociétés secrètes, et toujours cette idée de vivre dans un monde de plus intéressant que celui que l'on perçoit simplement de façon évidente. Il y a toujours cette fascination pour les arrière-mondes, en quelque sorte. Hein. Mm-hmm. Je relis ça un petit peu à ça. Alors ce 21e siècle, alors vous le pressentez ou vous le sentez comment par rapport aux sociétés secrètes? Société secrète, une société discrète qui est la franc-maçonnerie, n'est-elle pas par exemple le dernier rempart avant une prise de pouvoir par des sectes sans les nommer Faire son malheur ou dire le 21e siècle sera ésotérique. Il ne sera pas. On a peu de chances de se tromper, comme lui pouvait guère se tromper en disant qu'il serait religieux. Moi, je ne fais pas de spéculation sur... Il y aura, c'est certain, il y aura d'autres sociétés secrètes. Certaines seront franchement héritières d'une longue tradition. Il n'y a pas de raison. Quelque chose qui a 2000 ans d'existence ne peut s'interrompre. Il y en aura d'autres qui seront créées, là encore, ex nihilo, qui seront peut-être des blagues de potache et qui connaîtront des beaux jours. On l'a dit au début, les sociétés secrètes, c'est presque une nécessité humaine. Hein, l'homme est contraint de vivre en société, il est plus à l'aise quand il crée lui-même sa société. Donc il y aura d'autres sociétés secrètes. Maintenant, on peut s'interroger aussi sur la longue tradition, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé, mais de transmission de savoir, donc pour les profanes, est-ce que dans ce monde hyper moderne, est-ce que ces traditions et ces enseignements séculaires, voire millénaires, est-ce qu'ils vont se perpétuer? Mais ça, je pense. Puisque c'est un besoin inhérent à l'homme d'aller... Oui, peut-être ira-t-on vers plus encore de syncrétisme, de synthèse, de tous les... je ne sais pas. Et vous qui connaissez bien les sociétés orientales, le Tibet notamment, quel est votre avis sur la question? Est-ce que c'est de l'Orient que viendrait à nouveau la lumière, si je puis m'exprimer ainsi? Oh, il y aura certainement... c'est difficile de prévoir comme ça. C'est vrai qu'il y a une vogue de la maçonnerie actuellement qui est assez importante, déjà en Occident, on peut le remarquer. C'est devenu une société secrète très très importante maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui en font partie. Je vois notamment que les best-sellers des éditions d'Hervis sont des livres maçonniques. Donc ça, c'est quand même assez significatif. Maintenant, l'Orient, oui, il y a aussi une grande importance des confréries soufis. Je vois qu'il y a beaucoup d'amis qui font partie de confréries soufis, et je pense que le phénomène va s'amplifier. les confréries soufis, il y a un regain d'intérêt pour le soufisme. Il y a un regain d'intérêt. Et les gens, ils se rattachent. Il y a des Occidentaux, des Français de souche. C'était ma question. Voilà, c'était Des Français de souche qui se convertissent à l'islam, mais pas du tout pour adopter un islam intégriste, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire dans les médias. Mais il y en a beaucoup qui se convertissent à l'islam pour pouvoir intégrer une confrérie soufie. On dit que le soufisme, c'est l'ésotérisme de l'islam. Voilà, c'est l'ésotérisme. Donc, c'est des sociétés secrètes islamiques, dans le bon sens du terme, pas dans le sens intégriste du terme. Donc il y a un développement assez important des confréries soufis actuellement, ça je le remarque aussi. Donc on pourrait dire la franc-maçonnerie, je suis frappé par le nombre de personnes qui font partie de la franc-maçonnerie maintenant. C'est une société discrète maintenant. Oui, mais il y a quand même des rituels, il y a quand même des aspects secrets toujours dans la franc-maçonnerie. Il y a tous les c'est points une société, société secrète. C'est une société secrète. Il y a tous les points. Le soufisme aussi est devenu, je trouve qu'il y a de nombreux tariqas maintenant qui renaissent même à Damas, au Maroc, en Tunisie, même en Algérie, on retrouve dans tous les pays. Ce qu'on peut remarquer quelque chose d'assez intéressant, c'est que dans tous les pays, par contre, qui ont adopté un islam intégriste, comme l'Arabie saoudite, il n'y a pas de soufisme. Il n'y a pas de soufisme. Donc le soufisme et l'intégrisme sont en quelque sorte incompatibles l'un avec l'autre. Il y a même un soufisme chiite. Il y a un soufisme chiite, effectivement, etc. Oui, tout à fait. Donc il y a vraiment une... Voilà, ce que je note, c'est ça, c'est cette espèce d'importance. Maintenant, l'Inde, non, il n'y a pas vraiment... Je ne vois pas de développement de sociétés secrètes indiennes ou chinoises. Bien, je vous remercie, Eric. Alors, pour conclure, moi, je vous proposerai tout simplement, Renaud, dans un premier temps, et Eric, dans un second temps, de nous rappeler quels sont les ouvrages que vous avez... écrit et quels seraient éventuellement les ouvrages que vous pourriez recommander à la lecture de nos téléspectateurs. Alors, moi, j'ai dirigé l'édition du Larousse des sociétés secrètes, donc il a paru en 2005, je crois me souvenir. Réédité et déjà, je crois, il est réédité, oui, et il a aussi changé de format. Et à l'automne dernier, apparu toujours chez Larousse comme un ouvrage consacré à l'Opus Dei, qui n'est pas une enquête, qui est un exposé pour faire le point clairement sur ce qu'est l'Opus Dei. C'est dans une collection, me semble-t-il, où il y a d'autres titres. Dans une collection, qui peuvent intéresser les collections, que la collection a été intitulée Mystère, je crois, et ont déjà paru donc un volume sur les Templiers, sur la franc-maçonnerie, sur le clan, le Ku Klux Klan, et un sur l'Opus Dei. Je pense pouvoir. Un ouvrage à venir Et très certainement, oui, un ouvrage à venir sur les cathares, que Larousse devrait me confier, mais pour la rentrée prochaine. Ouais. Très bien. Moi, je voudrais tout simplement rappeler à nos téléspectateurs deux ouvrages qui me semblent essentiels. Le premier dans la collection Que sais-je au PUF, Les sociétés secrètes, écrit par Serge Hutin. Et un second, Un atlas des sociétés secrètes, paru aux éditions Vega de David Barrett. Éric, c'est à vous pour conclure. Parce que je sais que vous avez écrit notamment chez Lervy, mais vous êtes au-delà d'auteur, vous êtes aussi éditeur. Oui, alors à la fois je suis auteur et puis j'ai une petite maison d'édition. Alors sur le sujet des sociétés secrètes, j'ai surtout écrit ce dictionnaire de la Rose-Croix, qui est paru chez Dervy, donc. Sinon, dans ma petite maison d'édition vient de faire paraître... Qui s'appelle les éditions Terre Blanche. Les éditions Terre Blanche. Les éditions Terre Blanche. Je viens de faire paraître une traduction d'un livre écrit par un historien anglais, qui s'appelle « Une société secrète à l'origine du nazisme ». C'est une étude qui est très bien faite sur la Thule et Gesellschaft, voilà, et sur les origines historiques. Enfin, c'est un historien anglais qui vit dans le sud de la France, donc voilà, David Owen. Très bien. Voilà, ça... Je convie nos téléspectateurs, pour plus de renseignements, de lire ou relire, pour certains peut-être, les ouvrages de nos deux intervenants. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.